On me donna la forme ronde d'une casquette de facteur, et l'on me lança par le monde, qu'alors j'avais l'air séducteur. Immaculé comme l'hermine, blanc comme la fleur d'oranger, propret, d'appétissante mine, chacun eût voulu me manger. Si je ne sentais pas la rose, du moins je ne sentais pas fort. Maintenant c'est tout autre chose. Ah, plaignez mon malheureux sort. J'avais ce charme qui s'exhale de tout cœur naïf, jeune, ardent, mais dans ma candeur virginale, je me raisonnais cependant, je voyais froidement les choses et ne me dissimulais pas que mon destin, comme les roses, aurait l'espace d'un repas. Oui, me disais-je, c'est la vie, naître, sentir et puis la mort. Simple question d'agonie. Ah, plaignez mon malheureux sort. Hélas, c'était inévitable, je devais finir, mais du moins, je rêvais de finir à table, entouré d'égards et de soins, au milieu des fleurs et des lustres, servi sur de l'argent massif, aspiré par des nez illustres, lorgné par un gourmet pensif, savouré par un palais rose, loué, choyé, que sais-je encore? Je rêvais cette apothéose. Ah, plaignez mon malheureux sort. Tout en attendant à l'office, je voyais apprêter les plats. Malheur, on usait d'artifices pour les rendre plus délicats. Poivre, sel, cannelle, verdure, on leur enfourait jusque-là. Chez eux, rien n'était plus nature. Et je pensais, voyant cela, pauvre mais, ce qu'en vous on aime, c'est votre entourage d'abord. Moi, je suis aimé pour moi-même. Ah, plaignez mon malheureux sort. L'instant du martyre était proche. Mon destin s'apprêtait, cruel, et d'abord on me mit sous cloche comme un dangereux criminel, une simple cloche de verre, oui, comme au dernier des melons. Puis un chef à la voix sévère cria « Le fromage, servons !» Alors un valet, la main sale, me saisit brusquement, butor, profane, et j'entrai dans la salle. Ah, plaignez mon malheureux sort. J'entrai donc, ce fut comme un rêve, oui, le dîner touche à sa fin. Je vois que déjà l'on enlève tout ce qui reste du festin. Oh non, je ne veux pas le croire. C'est fini, bien fini. Mais quoi, je ne suis donc qu'un accessoire pour que l'on ait dîné sans moi? Ah, la lumière se fit prompte, et je compris tout sans effort. Les ingrats, je leur faisais honte. Ah, plaignez mon malheureux sort. C'en était trop, et sous ma cloche, je sentis l'air qui me manquait. Cependant le garçon s'approche d'un monsieur qui me remarquait. J'eus espoir, je repris courage. Je suis tombé sur un gourmet, pensais-je, on va me rendre hommage. Il me flaira. Pas assez fait. Pas assez fait? Le misérable! Ces trois mots-là me donnaient tort. On m'emporta comme un coupable. Ah, plaignez mon malheureux sort. Je fus relégué dans l'office, en butte au plus sanglant mépris, et le personnel de service alla me revendre à vil prix. Ce fut une vieille laitière qui me reprit. Après cela, je passai chez une fruitière pour m'en aller tomber, de là, dans un restaurant de cocottes. S'être bercé de rêves d'or et finir dans une gargote, ah, plaignez mon malheureux sort. Oui, c'était la dégringolade qui commençait pour moi. Bientôt, je jaunis, je devins malade, je me corrompais en un mot. Tout mon corps, en proie aux écailles, prit des aspects désordonnés. Puis, un jour, je vis mes entrailles sortir de mes flancs étonnés. Et le client, juge terrible, s'éloignait, disant « Qu'il sent fort !» Et moi seul, j'étais insensible. Ah, plaignez mon malheureux sort. Je restai là, dans la vitrine, comme un lugubre figurant. Puis, des vers, nés dans ma poitrine, rongèrent mon corps expirant. Ah, la mesure était complète, se sentir tout rempli de vers, et pourtant n'être pas poète. Quel tourment sorti des enfers! Ce n'était pas tout. Non, oh rage! Le ciel me réservait enfin de marcher tout seul, moi, fromage! Ah, ce fut le coup du lapin! Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Consolation à M. Dupérier, gentilhomme d'Aix-en-Provence, sur la mort de sa fille. De François de Malherbe. Enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Ta douleur, Dupérier, sera donc éternelle,

Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi, de vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si, quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fouille, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Fin de poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. En sourdine, de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org par Rab. En sourdine, calme dans le demi-jour que les branches hautes font, pénétrons bien notre amour de ce silence profond. Fondons nos âmes, nos cœurs, nos sens extasiés. Parmi les vagues langueurs des pins et des arbousiers. Ferme tes yeux à demi, croise tes bras sur ton sein, et de ton cœur endormi, chasse à jamais tout dessein. Laissons-nous persuader au souffle berceur et doux qui vient à tes pieds rider les ondes de gazon roux. Et quand solennel, le soir, des chaînes noires tombera, voix de notre désespoir, le rossignol chantera. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Heureux qui, comme Ulysse, par Joachim du Bellay, enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vive entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province, et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'on verra s'arrêter le mobile du monde par Madeleine de Lobépine, enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. L'on verra s'arrêter le mobile du monde. Les étoiles marchaient parmi le firmament, Saturne infortuné luire bénignement, Jupiter commandé dedans le creux de l'onde. L'on verra Mars paisible et la clarté féconde du soleil s'obscurcir sans force et mouvement, Vénus sans amitié, Stilbon sans changement, et la lune en carré changer sa forme ronde. Le feu sera pesant et légère la terre, l'eau sera chaude et sèche, et dans l'air qui l'enserre, on verra les poissons voler et se nourrir. Plutôt que mon amour, à vous seul destiné, se tourne à notre part, car pour vous je fus né, je ne vis que pour vous je veux mourir. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Lorsque la douce nuit. De Jules Verne. Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Lorsque la douce nuit, comme une douce amante, s'avance pas à pas, à la chute du jour, s'avance dans le ciel, tendre, timide et lente, toute heureuse d'un fol amour. Lorsque les feux muets sortent du ciel propice, pointillent dans la nuit, discrets, étincelants, éparpillent au loin leurs gerbes d'artifice dans les espaces purs et blancs. Quand le ciel amoureux, au sein des rideaux sombres, tout chaud de ce soleil qui vient de l'embraser, à la terre, pour lui pleine d'amour et d'ombre, s'unit dans un brûlant baiser. Qu'en se réfléchissant, comme en un lac limpide, l'étoile de l'azur sur le sol transparent allume au sein de l'herbe une étoile timide, cette étoile du ver luisant. Quand, aux brises du soir, la feuille frémissante à ce tendre contact a refermé son sein et garde en s'endormant la fraîcheur odorante qui doit parfumer le matin. Quand sur le sombre azur, comme un triste fantôme, le cyprès de ce champ où finit la douleur est là, plus triste et froid qu'un mystérieux psaume qui tombe sur un ton mineur. Lorsque, courbant sa tête à des plaintes secrètes, l'if, comme de grands bras, agite ses rameaux, et tout mélancolique, en paroles muettes, cause bas avec les tombeaux. Quand, au berceau de Dieu, sur la branche endormante, l'oiseau paisible, heureux, a trouvé le sommeil, quand le fil de la Vierge a regagné sa tente, en attendant quelque soleil. Quand la croix déployant dans sa forme incertaine, sur le chemin du ciel ses deux bras de douleur, dans la nuit qui l'entoure en son humide haleine, et ruisselante de pleurs. Quand toute la nature, et l'étoile de la pierre, et l'arbre du chemin, la croix du carrefour, se sont tous revêtus de l'ombre, du mystère, après les fatigues du jour. Quand tout nous parle au cœur, quand la tremblante femme a plus de volupté que le soleil le jour, oh viens, je te dirai tout ce que j'ai dans l'âme, tout ce que j'ai de tendre amour. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Madeleine et Marie d'Eugène Potier. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoie en Belgique en avril 2011. Dans un faubourg tout brumeux d'industrie, où grouille l'homme, où gronde les métiers, deux blondes sœurs, Madeleine et Marie, faisaient penser aux fleurs des églantiers. Elles poussaient dans la ville malsaine, pure d'instinct, chant d'oiseaux, rire fou. L'homme a tué Marie et Madeleine, à que la honte en retombe sur nous. Ce lit d'hospice à les plis d'un suaire, c'est Madeleine, elle est morte à 20 ans. Déjà squelette avant qu'un peu de terre couvre son corps du linceul du printemps. Voici sa carte, une fille de joie, joie à voyer, la villa des égouts, et sous nos yeux un pauvre enfant si noir. Ah, que la honte en retombe sur nous. Marie aussi chaste comme pas une, du travail âpre à bulle épuisement. Fleur d'oranger sur la fosse commune, vos brins fanés sont tous son monument. L'aiguille est lourde à la main qui la tire, Marie usant ses nuits pour quelques sous, est au métier morte vierge et martyre, à que la honte en retombe sur nous. Marie, ô toi qui filais de la laine, repose bien tes jours inachevés, dors bien aussi ma pauvre Madeleine, qui de leur lit tomba sur les pavés. Et tous les jours, Madeleine et Marie, quand des milliers succombent comme vous, rien dans nos cœurs ne se révolte et crie, ah, que la honte en retombe sur nous. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'Occident, d'Alphonse de Lamartine, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Et la mer s'apaisait comme une urne écumante qui s'abaisse au moment où le foyer pâlit, et retirant du bord sa vague encore fumante, comme pour s'endormir, rentrait dans son grand lit. Et l'astre qui tombait de nuage en nuage suspendait sur les flots un orbe sans rayon, puis plongeait la moitié de sa sanglante image comme un navire en feu qui sombre à l'horizon. Et la moitié du ciel pâlissait, et la brise défaillait dans la voile immobile et sans voix, et les ombres couraient, et sous leur teinte grise tout sur le ciel et l'eau s'effaçait à la fois. Et dans mon âme, aussi pâlissante à mesure, tous les bruits d'ici-bas tombaient avec le jour. Et quelque chose en moi, comme dans la nature, pleurait, priait, souffrait, bénissait tour à tour. Et vers l'Occident seul, une porte éclatante laissait voir la lumière à flots d'or ondoyée. Et la nue empourprée imitait une tente qui voile sans l'éteindre un immense foyer. et les ombres, les vents et les flots de l'abîme, vers cette arche de feu, tout paraissait courir, comme si la nature et tout ce qui l'anime, en perdant la lumière, avait craint de mourir. La poussière du soir y volait de la terre, l'écume à blancs flocons sur la vague y flottait, et mon regard long, triste, errant, involontaire, les suivait et de pleurs sans chagrin s'humectait. Et tout disparaissait, et mon âme oppressée restait vide et pareille à l'horizon couvert, et puis il s'élevait une seule pensée, comme une pyramide au milieu du désert. Ô lumière, où vas-tu, globe épuisé de flammes, nuages à qui l'on vague, où courez-vous? Poussière, écume, nuit, vous, mes yeux, toi, mon âme, dites, si vous savez, où donc allons-nous tous? À toi, grand tout, dont l'astre est la pâle étincelle, en qui la nuit, le jour, l'esprit vont aboutir, flux et reflux divins de vie universelle, vaste océan de l'être où tout va s'engloutir. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Océano Nox de Victor Hugo, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Oh, combien de marins, combien de capitaines, qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts, avec leur équipage, l'ouragan de leur vie a pris toutes les pages, et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée, l'une a saisi les skiffs, l'autre les matelots. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue, vous roulez à travers les sombres étendues, heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Oh, que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve, sont morts en attendant tous les jours sur la grève ceux qui ne sont pas revenus. On s'entretient de vous parfois dans les veillées, mains joyeux cercles assis sur des ancres rouillées, mêlent encore quelque temps vos noms d'ombre couverts, aux rires, aux refrains, aux récits d'aventures, aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures, tandis que vous dormez dans les goémons verts. On demande où sont-ils, sont-ils rois dans quelque île? Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile? Puis votre souvenir même est enseveli, le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire, le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire, sur le sombre océan jette le sombre oubli. Bientôt des yeux de tous, votre ombre est disparue. L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charrue? Seul, durant ces nuits où l'orage est vainqueur, vos veuves au front blanc, lasses de vous attendre, parlent encore de vous en remuant la cendre de leur foyer et de leur cœur. Et quand la tombe enfin a fermé leurs paupières, rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre, dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond, pas même un saule vert qui s'effeuille à l'automne, pas même la chanson naïve et monotone que chante un mendiant à l'angle d'un vieux pont. Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires, ô flots, que vous savez de lugubres histoires, flots profonds redoutés des mers à genoux, vous vous les racontez en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Ophélie d'Arthur Rimbaud, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses longs voiles bercés mollement par les eaux. les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois, dans un aune qui dort, quelque nid d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle inconnu, fouettant ta chevelure, à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait la voix de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mers, comme un immense râle, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou s'assit, muet, à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle, tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole. Un infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lys. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Papillon de Xavier Demaître, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie, en Belgique, en novembre 2010. Colon de la plaine éthérée, aimable et brillant papillon, comment de cet affreux donjon as-tu su découvrir l'entrée? À peine entre ces noirs créneaux un faible rayon de lumière jusqu'à mon cachot solitaire pénètre à travers les barreaux. As-tu reçu de la nature un cœur sensible à l'amitié? Viens-tu, conduit par la pitié, partager les maux que j'endure? Ah, ton aspect de ma douleur suspend et calme la puissance. Tu me ramènes l'espérance prête à s'éteindre dans mon cœur. Doux ornement de la nature, viens me retracer sa beauté. Parle-moi de la liberté, des eaux, des fleurs, de la verdure. Parle-moi du bruit des torrents, des lacs profonds, des frais ombrages, et du murmure des feuillages qu'agite l'haleine des vents. As-tu vu les roses éclore au souffle glacé des autans? Dis-moi l'histoire du printemps et des nouvelles de l'aurore. Dis-moi si dans le fond des bois, le rossignol à ton passage, quand tu traversais le bocage, faisait ouïr sa douce voix. Le long de la muraille obscure, tu cherches vainement des fleurs. Chaque captif de ses malheurs y trace la vive peinture. Loin du soleil et des zéphyrs, entre ses voûtes souterraines, tu voltigeras sur des chaînes et n'entendras que des soupirs. Légère enfant de la prairie, sors de ma lugubre prison. Tu n'existes qu'une saison, hâte-toi d'employer la vie. Fuis, tu n'auras, hors de ces lieux, où l'existence est un supplice, d'autres liens que ton caprice, ni d'autres prisons que les cieux. Peut-être un jour, dans la campagne, conduit par tes goûts inconstants, tu rencontreras deux enfants qu'une mère triste accompagne. Vole aussitôt la consoler, dis-lui que son époux respire, que pour elle seule il soupire. Mais hélas, tu ne peux parler. Étale ta riche parure aux yeux de mes jeunes enfants. Témoins de leurs jeux innocents, plane autour d'eux sur la verdure. Bientôt, vivement poursuivi, feins de vouloir te laisser prendre, de fleurs en fleurs va les attendre pour les conduire jusqu'ici. Leur mère les suivra sans doute, triste compagne de leurs jeux. Vole alors gaiement devant eux pour les distraire de la route. D'un infortuné prisonnier, ils sont la dernière espérance. Les douces larmes de l'enfance pourront attendrir mon geôlier. À l'épouse la plus fidèle, on rendra le plus tendre époux. Les portes d'airain, les verrous s'ouvriront bientôt devant elle. Mais, ah ciel, le bruit de mes fers détruit l'erreur qui me console. Hélas, le papillon s'envole. Le voilà perdu dans les airs. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Premier amour, de Charles Augustin Sainte-Beuve, enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard. Printemps, que me veux-tu? Pourquoi ce doux sourire? ces fleurs dans tes cheveux et ces boutons naissants? Pourquoi dans les bosquets cette voix qui soupire, et du soleil d'avril ces rayons caressants? Printemps si beau, ta vue attriste ma jeunesse, de biens évanouis tu parles à mon cœur, et d'un bonheur prochain ta riante promesse m'apporte un long regret de mon premier bonheur. Un seul être pour moi remplissait la nature, en ses yeux je puisais la vie et l'avenir. Au musical accent de sa voix calme et pure, vers un plus frais matin je croyais rajeunir. Oh, combien je l'aimais, et c'était en silence, de son front virginal arrosé de pudeur, de sa bouche où nageait tant d'heureuse indolence, mon souffle aurait terni l'éclatante candeur. Par instant j'espérais, bonne autant qu'ingénue, elle me consolait du sort trop inhumain. Je l'avais vue un jour rougir à ma venue, et sa main par hasard avait touché ma main. Que de fois, étalant une robe nouvelle, naïve, elle appela mon regard enivré, et sembla s'applaudir de l'espoir d'être belle, préférant le ruban que j'avais préféré. Ou bien, si d'un pinceau la légère finesse sur l'ovale d'ivoire avait peint ses attraits, le velours de sa joue et sa fleur de jeunesse, et ses grands sourcils noirs couronnant tous ses traits. Ah, qu'elle aimait encore sur le portrait fidèle, que ses doigts blancs et longs me tenaient approchés, interroger mon goût, le front vers moi penché, et m'entendre à loisir parler d'elle près d'elle. Un soir, je lui trouvai de moins vive couleur, assise, elle rêvait, sa paupière abaissée, sous ses plis transparents dérobait quelques pleurs, son sourire trahissait une triste pensée. Bientôt elle chanta, c'était un chant d'adieu. Oh, comme en soupirant la plaintive romance, sa voix se fondait tout en pleurs mélodieux, qui, tombée en mon cœur, éteignait l'espérance. Le lendemain, un autre avait reçu sa foi, par le vœu de ta mère à l'autel emmenée, fille tendre et pieuse, épouse résignée, sois heureuse par lui, sois heureuse sans moi. Mais que je puisse au moins me rappeler tes charmes, que de ton souvenir l'éclat mystérieux descende quelquefois au milieu de mes larmes, comme un rayon de lune, un bel ange des cieux. Qu'en silence adorant ta mémoire si chère, je l'invoque en mes jours de faiblesse et d'ennui, tel en sa sœur aînée un frère cherche appui, tel un fils orphelin appelle encore sa mère. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le roi de Thulé, par Wolfgang Goethe, traduction de Gérard de Nerval. Enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Le roi de Thulé. Il était un roi de Thulé à qui son amante fidèle légua, comme souvenir d'elle, une coupe d'or ciselée. C'était un trésor plein de charme où son amour se conservait. À chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes. Voyant ses derniers jours venir, il divisa son héritage, mais il accepta du partage la coupe, son cher souvenir. Il fit à la table royale asseoir les barons dans sa tour, debout, et rangé à l'entour, brillait sa noblesse loyale. Sous le balcon gronde la mer. Le vieux roi se lève en silence. Il boit, frissonne, et sa main lance la coupe d'or au flot amer. Il la vit tourner dans l'eau noire. La vague en s'ouvrant fit un pli. Le roi pencha son front pâli. Jamais on ne le vit plus boire. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le temps a laissé son manteau, par Charles d'Orléans, enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Rivières, fontaines et ruisseaux, portes en livrée jolie, gouttes d'argent, d'orfèvrerie. Chacun s'habille de nouveau, le temps a laissé son manteau. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Vert doré de Gérard de Nerval. Enregistré pour LibriVox.org par Sergio Baldelli. Vert doré. Et quoi? Tout est sensible. Pythagore. Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose, un mystère d'amour dont les métals reposent. Tout est sensible, et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même, un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent dans l'être obscur habite un dieu caché, et comme un œil naissant, couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Fin du poème. Cet enregistrement appartient au domaine public. La veuve indienne d'Eugène Fouquès, enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckerd-Poulet. Note. Un officier anglais parvint il y a quelques années à sauver du bûcher une veuve indienne, mais poursuivie par le remords d'avoir survécu à son époux, elle ne fit que languir et mourut bientôt après. Fin de la note. Liverpool, 1830. La mort est-elle préférable, belle indienne, à mon amour? Fuis un sort trop inexorable, vers un climat plus favorable. Ah, viens élire ton séjour! Vis pour l'étranger qui t'adore. N'est-ce point trop tôt pour mourir? Vois, c'est ton amant qui t'implore. Pourquoi le repousser encore? Pourquoi t'obstiner à périr? Qu'importe qu'une loi barbare de ton dieu féroce et jaloux veuille, quand la mort vous sépare, que sur le bûcher qu'on prépare tu périsses avec ton époux? Ah! Cet époux n'était qu'un maître, et depuis longtemps tu m'aimais. Au sentiment que j'ai fait naître, viens donc, abandonne ton être, et ne sois qu'à moi désormais. Je sais bien qu'ils t'ont dit, surmonte toute l'horreur de ce trépas, car il faudra que tu l'affrontes, ou craindre qu'à jamais la honte n'aille s'attacher à tes pas. Mais leur sentence est un blasphème, belle fille de l'Hindoustan. Sur toi, pourquoi dire anathème? Si l'on meurt pour celui qu'on aime, on peut vivre après un tyran. Dis-moi, veux-tu que je t'arrache à leur bûcher comme à leur loi? Mon coursier frémit sous la tâche. À moi l'épée, à moi la hache, à moi mes fidèles sépois. Note. Naturel du pays, au service de la Compagnie des Indes. Fin de la note. Si je ne puis te donner du Gange, les bords fleuris, le soleil pur, le figuier, l'ananas, l'orange, son climat qui jamais ne change, ses beaux oiseaux couleur d'azur, ces arbres aux cimes altières, ces monts aux fronts majestueux, ces parfums, ces brillantes pierres, ces pagodes, ces bayadères, avec leurs pas voluptueux. À nous la puissante Angleterre qui s'élance du sein des eaux, reine en commerce et reine en guerre, dans tous les pays de la terre, envoyant ses mille vaisseaux. Viens, à nous la ville géante, avec ses ponts, ses monuments, Londres et son enceinte béante, qui, le soir, brille étincelante comme un orbe de diamants. À nous la superbe Tamise, avec ses voiles et ses mâts, étalant sur son onde grise les richesses et la devise des peuples de tous les climats. À nous Saint-Paul et sa coupole, Westminster où dorment les rois, la tour qui sur la métropole déroule un étendard qui vole et semble protéger ses toits. Je sens qu'en mon cœur chaque fibre tressaille à leurs doux souvenirs. Aucune âme esclave n'y vibre. Ce n'est qu'aux lieux où l'on est libre qu'il faut s'aimer, vivre et mourir. Allons, indienne adorée, habiter sous cet autre ciel, où tu seras libre, admirée, où nulle coutume abhorrée à l'amour ne mêle de fiel. Viens, dans mon île aux vertes plaines, on s'inclinera devant toi. Oh, viens où les femmes sont reines, où la beauté donne des chaînes, où chacun recevra ta loi. » Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Voie lactée de Sully Prudhomme. Enregistré pour LibriVox.org par les Rizanes. Aux étoiles, j'ai dit un soir, vous ne paraissez pas heureuse. Vos lueurs, dans l'infini noir, ont des tendresses douloureuses. Et je crois voir au firmament un deuil blanc mené par des vierges qui portent d'innombrables cierges et se suivent languissamment. Êtes-vous toujours en prière? Êtes-vous des astres blessés? Car ce sont des pleurs de lumière, non des rayons que vous versez. Vous, les étoiles, les aïeuls des créatures et des dieux, vous avez des pleurs dans les yeux. Elles m'ont dit, nous sommes seules. Chacune de nous est très loin des sœurs dont tu la crois voisine. Sa clarté caressante et fine dans sa patrie est sans témoin, et l'intime ardeur de ses flammes expire aux cieux indifférents. Je leur ai dit, je vous comprends, car vous ressemblez à des âmes. Ainsi que vous, chacune lui, loin des sœurs qui semblent près d'elle, et la solitaire immortelle brûle en silence dans la nuit. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Se voir le plus possible et s'aimer salement, d'Alfred de Musset, enregistré pour LibriVox par Isabelle. Se voir le plus possible et s'aimer seulement. Sans ruse et sans détour, sans honte ni mensonge, sans qu'un désir nous trompe ou qu'un remords nous ronge, vivre à deux et donner son cœur à tout moment, respecter sa pensée aussi loin qu'on y plonge, faire de son amour un jour au lieu d'un songe, et dans cette clarté respirer librement, ainsi respirer l'or et chanter son amant. Vous, dont chaque pas touche à la grâce suprême. C'est vous, la tête en fleur, qu'on croirait sans souci. C'est vous qui me disiez qu'il faut aimer ainsi. Et c'est moi, vieil enfant du doute et du blasphème, qui vous écoute et pense et vous répond ceci. Oui, l'on vit autrement, mais c'est ainsi qu'on aime. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.